va me laisser de cas et ouvrir le chemin. Se démène, guidée par les étoiles, guidée par les étoiles. La croisière perd de sa vitesse et le bateau prend l'eau. Plus personne ne pavoise toutes les gouttes d'eau font déborder. Comme un radeau, moi j'ai trouvé une croix qui m'a pris sur son dos. Le plus dur reste à faire.